descend la sous ça pour prendre ma fille moins qu'à joindre la sushi man. La bêtise toujours devant. Il j'a bien paré, il j'a si on te calendar de war, il pas qu'à ton mash. La bêtise toujours devant. Hier au soir, mon way, il te cafoté à souvent, j'ai desté qu'à parler chou chou chou. La bêtise toujours devant. Il y a dans tout temps, il pas qu'à pétant. Toujours qu'à propier, même si il pas bien portant. La bêtise toujours devant. Yelele mbodo, yala mbodo. Yelele mbele mbala mbala. Yeah.